Ok, je pense qu'on y va. Parce que Mireille a dit que nous attend pas Quentin. Comme ça, on commence, on finit. Première chose à dire, je suis désolé, le français c'est pas mon langue, comme ça, c'est sûr que peut-être je serai pas si compréhensible, mais si ça arrive, que c'est pas facile de me suivre, il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite pas de m'arrêter, de me demander, je préfère être très clair que de continuer comme ça. Okay? Après, pour l'exposé d'aujourd'hui, je suis désolé aussi, parce que bon, j'ai hésité un peu de présenter, parce que j'ai fait mon travail de thèse sur la philosophie de la technologie à Castoriadis. J'ai essayé de trouver une réponse en question assez générale. Est-ce que ça existe en philosophie de la technologie à Castoriadis? Et dans un premier moment, je m'ai dit que peut-être ça sera utile d'exposer ça, mais je pense déjà qu'on nous est un peu dans l'esprit de la discussion et aussi en capturant un peu les différentes questions qui ont traversé les jours de discussion. J'ai un peu changé la vie un peu en milieu. C'est pour ça que lui, je l'ai laissé un peu comme ça, mais ça va, ça va, ça ira bien. Et je m'ai dit que ça serait intéressant d'amplifier ça, pas de se demander seulement si ça existe en philosophie de la technologie à Castoriadis, mais de dire si la philosophie de la technologie de Castoriadis, ça c'est originel ou pas. Non? Et ça veut dire les débats que Marcolini il a présenté en se demandant est-ce que Castoriadis il a pensé la technologie ou il est réactif à la pensée de Lull. Non? C'est seulement un dialogue ou c'est une élaboration propre, non? Et après aussi, qu'est-ce que ça veut dire de vraiment penser la technologie dans le cadre de Castoriadis? Si tu peux continuer comme ça, ou si ça montre qu'il y a des difficultés, les questions peut-être cruciales, et même les absences, non? Spécialement l'absence d'une réponse, qu'est-ce que ça veut dire transformer la technologie, non? Et c'est pour ça que je dis ce matin qu'il vraiment, il y a un vrai dialogue en général, intellectuel, mais aujourd'hui aussi entre l'exposé d'Aurélien et l'exposé que tu vas faire. Hein? Comme ça, l'idée, c'est les trois points, non? Un peu, récupérer cette idée de Castoriadis comme philosophe de la technologie, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de travail sur ça. Non? Tu as quelques articles, Fotopoulos, Cabrera, Dumesnil, ça a été travaillé aussi pour Biver, un très bon article de François Bérard, mais je pense que la thèse que j'ai faite, c'est la première. Donc, comme ça, je vais récupérer quelque chose. Je vais aussi présenter pour la question Elul quelques matériels que j'ai trouvé à l'archive, à l'IMEC aussi, parce que je me coupais un peu de trouver les correspondances, un peu les récits de cette histoire, non? Qu'est-ce que ça passait. Et l'autre, ça sera un peu de l'élaboration propre. Ça, c'est d'abord un peu l'idée. Ok? Ok, je pense que nous pouvons distinguer quatre moments de la pensée, si tu veux, technologie de Castoriadis. La première, c'est lié à son pensée sur le socialisme en général. Il y a un deuxième moment assez intéressant, que je pense c'est le moment de l'élaboration philosophique la plus forte, où la technologie, ça vient à être un objet socio-historique assez pensé, assez travaillé, avec les traits caractéristiques. Et il y a un troisième moment où Castoriadis, je pense, il se rencontre avec Elul et ça commence à changer peut-être son position, même de se rapprocher à lui. Il y a un quatrième qui n'existait pas, non, mais qui a été planifié pour lui, et que c'est de penser à fond les questions technologiques et que de la première fois, ça sera le conditionnel, non? Ça pourrait être un livre qui n'a jamais existé, que c'est Le Grand Sommeil, non? Et que je vais vous raconter un peu sur ça. Si nous commençons pour les questions du socialisme, non? Et c'est classique sur le contenu du socialisme. Et il ressort qu'un élément central de sa proposition de Castoriadis, c'est de transformer intégralement les champs productifs. Si l'on suit le philosophe franco-grec, la contradiction fondamentale du monde contemporain se résumera à l'opposition entre dirigeants et exécutants. Okay? Nous connaissons ça. D'une certaine manière, il y a deux côtés à la manière où, à partir de ça, il a pensé l'autonomie. C'est clair qu'il y a l'autonomie politique, non? Et ça se lie à la question de l'autogestion ouvrière, que c'est censé évoluer vers un système de type soviétique, non? À ce moment, la plupart des décisions relatives à la vie collective seront prises dans les soviets. Mais à ce moment-là, il y a aussi un côté autonomie matérielle forte, non? Je pense que c'est le moment où nous pouvons écouter Castoriadis en parlant d'autonomie matérielle de manière la plus claire de toute sa vie, non? Parce que tu veux, pour lui, l'autonomie politique marche main dans la main avec une autonomie matérielle. Et c'est ainsi que Castoriadis il a signalé, et je le cite, que cette société socialiste n'est caractérisée en premier lieu ni par la liberté politique, ni par l'expansion des forces productives, ni par la satisfaction croissante des besoins de consommation, mais par la transformation de la nature et du contenu de travail. Ce que signifie la transformation consciente de la technologie héritée de façon à subordonner pour la première fois dans l'histoire cette technologie aux besoins de l'homme, non pas seulement en tant que consommateur, mais en tant que producteur. Autrement dit, au sein de la praxis citoyenne radicale que supposera la construction, ou pour mieux dire la création, non, d'une société instituée socialiste, en ce moment-là, nous parle de ça, la modification des technologies existantes et la création de nouveaux cadres technologiques sont absolument indispensables. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un petit histoire de cette formulation de l'autonomie matérielle. Parce que tu veux, il y a les deux différentes formulations sur contenu du socialisme. Si tu cherches ce type de réflexion sur la question technologique à la première formulation de ça, ce n'est pas possible de le trouver. Non, il n'est pas là. Non? La question technologie, dans les premières formulations de sur contenu du socialisme, ce n'est pas présent, ce n'est pas une question centrale, mais après. Dans les deuxièmes versions, c'est les 55, tu veux, ça, tu peux arriver à voir que les structures technologiques de travail, c'est un noyau de l'aliénation. C'est intéressant, qu'est-ce que ça s'est passé pour que la deuxième version, non, sur le contenu du socialisme, a cette centralité-là. Et pour répondre un peu à cette question, j'ai essayé peut-être de montrer si c'est vrai la thèse de Marcolini. Non, Marcolini il a dit que la différence cruciale là, c'est la lecture de la technique de l'enjeu du siècle. Non, c'est ça. Il a trouvé Castoriadis cette lecture là, et peut-être ça, c'est la question qui l'a permettre même s'il n'a pas rompu avec le cadre marxiste d'une certaine manière, non? Parce que si tu veux ici, ça c'est vraiment lié à la discussion avec l'aliénation, la discussion que Cantor nous a proposée, parce que il parlait vraiment de transformer la technologie, mais il parlait surtout de transformer le travail. Non, c'est une manière de dire on va récupérer, dans cette manière, on va utiliser vraiment toute cette structure d'une manière pas aliénée. Non, mais c'est vrai qu'en parlant assez fort de la structure technologique de travail comme un noyau d'aliénation, il introduit ça en plus. Non, et ça semble assez similaire à les moments de la théorie critique, non, peut-être Marcuse et d'autres, non, qui ils sont un peu trouvé l'intuition que la société industrielle, c'est quelque chose de plus que la société capitaliste, non? Que la technologie, c'est un problème autre, mais ils ne sont pas capables vraiment de sortir, si tu veux, de l'écart vraiment de la centralité de la production, la centralité du travail, la centralité de l'usine. En parlant avec Escobar, Arturo Escobar, il m'a dit qu'il n'est pas d'accord avec Marcolini, non? Qu'il pense que la question que c'est cruciale, c'est vraiment la révolution en croix. Non, c'est ça qu'il a donné en général au groupe, et notamment aussi à Castoriadis, tu veux, la possibilité de repenser l'importance de la technologie au sein de la réflexion sur la construction du socialisme. À l'IMEC, j'ai essayé de chercher les écrits des années 57-58, et l'idée était d'essayer de chercher quel type de choses. Et quel type d'auteur, même s'il a lu vraiment et lu ou pas. Non? Et il y a quelque chose que tu peux trouver, il y a le compte rendu des rendez-vous des 11 mars 1957, le 25 mars 1957 et aussi le 12 avril 1958. C'est très intéressant parce que ils sont les discussions qui sont centrées dans les implications politiques de la technique. Non? Ils sont tous mis ensemble pour discuter sur ça. Et là, tu peux trouver que dans les listes de lecture, elle est là, mais pas seulement Elul, ça c'est la première chose que c'est important, et Montfort, c'est là aussi, et ça j'ai aussi confirmé, tu vois, chez Castoriadis, Lewis Montfort. Ah, oui. Oui, la prononciation, c'est toujours un peu difficile. Je l'ai fait à la française pour vous, Mumford, mais non, c'est Lewis Mumford. Ok, et c'est chez lui, non? Le livre de Mumford a été aujourd'hui, ça reste chez lui. Mais c'est intéressant, Gideon, il n'est pas là, non? Et c'est aussi une lecture de le moment très, très lourd, non? Sur la question de la structure industrielle et tout ça, non? Comme ça, il y a part de vérité, non? À la thèse de Marcolini, mais ce n'est pas tout, non? Et ils sont en train de faire une réflexion collective. Et surtout, Escobar. C'est sûr, il a raison parce qu'il a été là, non? Et c'est tout dans le cadre de qu'est-ce que sont les éléments pertinents pour comprendre, si tu veux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la révolution hongroise et c'est quoi le rôle de la technique, non? Son position, en général, dans ce moment-là, dans les années 50, c'est qu'il est possible de dominer la technique, la technologie. C'est ça, tu peux trouver dans les petites notes, non, qu'il est en train de travailler à ce moment-là. Que l'idée, c'est ça, tu veux, de dire, OK, nous pouvons sortir, si tu veux, de l'hétéronomie, de l'aliénation, on peut sortir du capitalisme, et sortir du capitalisme, ça veut dire un peu reprendre dans la main, d'une manière libératrice, cette structure industrielle. Et je trouve que c'est assez important, cette conclusion, parce que, même de manière inconsciente, non, je pense que ça, c'est une ligne qu'il a gardée d'une certaine manière et qui peut-être c'est utile pour comprendre quelques incohérences, je veux dire incohérences, que nous peut trouver, que nous avons déjà trouvées aujourd'hui, vis-à-vis son position en regard à la société industrielle, mais aussi non, l'utilisation de la technologie, la question d'échelle, tout ça. Non? La racine de la pensée technologique, vraiment, c'est cette idée de dominer la technique. Mais c'est clair qu'il a une grosse évolution, il a continué à beaucoup penser à ça, même au socialisme bavarois dans les années 65, 66. Il y a aussi dans l'archive les matériels où tu peux trouver les citations à Ellul, les réflexions concrètes sur la question de l'automatisme de la technique, que c'est associé pour Canton, je ne sais pas si c'est lui, à la question de l'aliénation. S'il est intéressé de voir ça, non? De ce moment des années 60, il est en train de penser l'aliénation à côté aussi de l'automatisation de la technologie. C'est intéressant parce qu'il y a les fragments où il essaye de lier les deux choses, mais il rejette, non? Que ça existe en autonomisation de la technologie et que pour ça l'aliénation vraiment s'est focalisée dans la question de travail, non? Ça reste cette formulation un peu classique. Mais dans les années 60, il commence à penser, si tu veux, sur les questions du progrès, sur la question de la neutralité, à côté des mouvements antinucléaires, non? Il y a quelques annotations sur le nucléaire et comme ça, dans un exemple dès qu'il y a une non-neutralité. Et je pense que c'est tout cet magma de travail, non? Qui devient finalement l'expression la plus connue de son travail sur la technologie. C'est le plus connu article technique, non? À l'Universalis. Aussi, tous les endroits où il parle de technologie sont pas mal d'endroits à l'institution imaginaire de la société, les premiers carrefours du labyrinthe, non? C'est toute une élaboration où cette ontologie, pour moi, matérialiste du changement socio-historique qui développe Castoriadis, non? Est caractérisée pour la dynamique de l'histoire et caractérisée pour une pluralité radicale de forces, non? Ça, c'est intéressant, non? Ça, c'est une de les, si tu veux, les rapprochements qui fait qu'il est plus proche de la sociologie allemande ou des autres, non, que finalement de le marxisme, non, de parler de cette pluralité de forces. Oui, tu veux, les institutions, les éléments de la société instituée, non, que c'est un trémélan, c'est une influence réciproquement, dans un processus qui, une autre, se présente comme une création radicale, apparition ex nihilo, non. Dans tout ce cadre que nous tous connaissons, la technologie, finalement, constitue simplement une force supplémentaire. C'est un autre élément qui rentre dans cette description ontologique. C'est un élément parmi d'autres au sein de l'ensemble des forces qui permettent de saisir les changements socio-historiques. Et je le cite. Et la technique est dimension essentielle de la création d'ensemble qui représente chaque forme de vie sociale, elle-même de la constitution du monde en tant que monde humain, création. Non? Ce point de vue fait partie de ce qu'on appelle habituellement le paradigme de la non-neutralité de la technique. C'est un problème très classique à la philosophie de la technologie. Même mon idée, mon propos dans quelques publications, c'est que tu peux vraiment diviser toute l'histoire de la pensée, de la technique autour de ce problème-là. C'est pour ça que j'ai choisi d'être le centre de mon travail de thèse. Non? Parce que vraiment, il y a la différence entre les gens qui comprennent que la technique, c'est une création sociale et que tu veux, il n'est pas neutral parce que c'est lié, Ou c'est une autre chose, non? C'est un automatisme, c'est extérieur, non? C'est un trait naturel, mais c'est non social. Pourtant, il est neutre dans le sens qui vraiment, tu ne peux pas l'analyser, tu ne peux pas le juger, per se. Tu ne peux pas seulement juger l'usage, non? C'est seulement l'humain, tu veux, qui fait, non? Qui utilise l'outil, qui utilise la technologie, qui peut être jugé, non? Parce que l'outil per se, tu veux, c'est pas social. C'est pas jugeable, je n'existe pas ce démon. Comme ça, Castoriadis, c'est clair, si il est un philosophe de la technologie, il est un philosophe de la technologie de certaine manière, il est de l'autre côté de la non-neutralité, non? Et tu le peux voir, il y a deux extraits que c'est très clair, non? Je les cite, toute société crée son monde, interne, externe, et de cette création, la technique n'est ni instrument, ni cause. Non, il n'est pas à l'extérieur et il n'est pas non plus un pur instrument, non, mais dimension. Ou pour utiliser une meilleure métaphore topologique, partie partout dense. Non, ça, c'est un endroit. Et en sciences modernes, en interrogation philosophique, c'est un texte aussi crucial. Il dit qu'il existe un fallacie de la séparation de les fins et de les moyens. C'est une autre manière de dire aussi que ça existe la non-neutralité. Non, les fins d'une société ne sont en premier lieu rien d'autre que ce que ces moyens constamment produisent. Et la société n'utilisera ses moyens qu'en vous défend qui sont les siens. Elle ne peut pas du reste faire autrement parce que ses fins sont inscrites dans la matérialité même. Ça, c'est très important pour les choses que je vais discuter après, non? Et ces fins sont inscrites dans la matérialité même, la nature, l'organisation des moyens. C'est intéressant pour repenser un peu cette question ontologique, non? Parce qu'ici, il est assez clair de dire, tu veux, que la société, ça veut dire la signification imaginaire sociale, la structure ontologique, c'est inscrit. C'est un verbe intéressant, non? Parce qu'il nous parlait où c'est la société, non? Où c'est la signification institutionnelle, la signification imaginaire sociale. Ils sont dans la matérialité, dans la nature et dans l'organisation des moyens, non? Ils ne sont pas seulement dans la tête, ils ne sont pas seulement dans la subjectivité. Non, même dans l'institution, ils sont aussi ici, ils sont dans la matérialité. C'est une interprétation de la, si tu veux, non-neutralité assez forte. Dans mon thèse doctorale, j'ai mobilisé un peu les implications de cette chose. Je ne veux pas vraiment utiliser beaucoup de temps pour ça, mais c'est intéressant parce que cette position de non-neutralité, c'est intéressant pour faire une critique simultanée des positions qui, normalement, et apparemment sont antagoniques. D'un côté, la conception instrumentaliste, non? Cette idée de la technique, c'est seulement un instrument, que ça donne une idée de la technologie complètement docile, non? Complètement, tu veux, si, innocente, non? Et de l'autre côté, le déterminisme technologique, non? Que vraiment, le déterminisme technologique, c'est le tout-pouvoir de la technologie, non? Les deux, non? Et toutes les deux partageaient une position qui est discutable et qui s'est discutée, non? Que c'est la possibilité de comprendre la technologie comme domaine désencastré du monde historique et social, pour reprendre l'idée de Polanyi, non? C'est finalement ça, non? De dire c'est non neutral, ça veut dire c'est vraiment pas désencastré, c'est encastré, tu vois? Ouais, ça c'est intéressant parce que si tu fais pas ça, vraiment tu peux pas faire la politique de la technologie. Non, parce que si c'est le mot instrument ou si c'est déterministe, non, vraiment, si c'est une chose que c'est une autre chose de la société, tu ne peux pas vraiment te planter l'objectif de faire un politique de la technologie. La technologie, c'est une autre chose. Non? La politique, c'est de l'endroit de l'organisation, de les institutions, de la démocratie, et la technologie, c'est une autre chose. Non? Mais nous va voir que c'est pas ça, non? C'est intéressant aussi parce que c'est un part crucial, c'est dans le cœur de la critique de la déterministe forte que Castoriadis trouve dans les philosophies marxistes de l'histoire. N'oubliez pas que dans le cœur de cette philosophie de l'histoire marxiste qui Castoriadis il a beaucoup critiqué comme déterministe, c'est la technologie finalement, hein, qui est là. Comme ça, tu veux, on peut trouver à ce moment-là en position non neutrale, en position de la technique comme création radicale, non, en position qui nous pouvons beaucoup plus développer, hein, parce que il y a toute la dérivation de l'éthique à niveau ontologique, il y a toute la dérivation aussi de la description de la modernité, non, et il y a beaucoup de choses, 700 pages j'ai écrit comme ça, il y a beaucoup de choses que nous pouvons discuter, mais je vais garder cette idée, non, d'un moment dans les années 60, 70, où il est surtout focalisé dans cette idée de la technologie, c'est notre création, et comme ça nous pouvons la modifier. Mais la technologie, c'est la société. Modifier la société, ça veut dire modifier, non, la technologie. Et ça, de manière un peu surprenante, il a changé. Il a changé un peu, non? Il s'est rencontré un peu d'une manière épistolaire avec les lettres et avec Eliud dans les années 80. C'est très intéressant parce que je n'ai pas complètement tout le temps pour tout reprendre, mais c'est une rencontre qui a commencé comme quelque chose de timide, non? Quelque chose de professionnel, parce qu'ils se sont rencontrés dans quelques programmes radio et après, Castoriadis, il a été invité pour écrire dans les mélanges, nos ménages à Loul. Ils ont commencé à vraiment s'écrire l'un et l'autre. Et dans cette, tu veux, interchangement de lettres, ils ont trouvé un peu les deux toutes seules, toutes méprisées, non? Et tout isolées dans le milieu intellectuel français, non? Dans une certaine sensation de pas être valoré, non? Et c'est très intéressant de voir comment l'un et l'autre, ils ont trouvé un peu, si tu veux, une inspiration intellectuelle, non? Et Loul, il a dit à Castoriadis, mais toi, tu as bien compris la société d'une manière que moi, je n'ai pas compris, non? Parce que j'ai bien compris les technologies, mais peut-être les sociétés, non? Je n'ai pas une bonne ontologie. Et Castoriadis, de l'autre côté, il a dit, écoute, je pense peut-être mon pensée, non? De la technologie n'était pas si concret parce que je n'ai pas très bien pensé la question de l'autonomisation. Non? Et c'est intéressant parce que vraiment, ça commence à donner à Castoriadis un peu la centralité en son pensée de la technologie, pas dans les côtés création, mais surtout dans les côtés dynamiques. Non? Et ça veut dire, c'est centré aussi un peu dans l'interprétation de la technologie, que c'est très fixé, bon, de la technique dans ce contexte, non? Que c'est très approché de vraiment en penser sur la modernité. Et ça, c'est une chose intéressante, moi, parce que j'ai écrit mon mémoire de master sur Ellul. En cherchant, tu veux, en penser sur la technique, non? Mais tu veux, j'avais dit sur les techniques, non? Qu'est-ce que ça veut dire de penser politiquement? J'ai la fin, même si j'ai je l'aime beaucoup à Ellul, je pense, il n'est pas un penseur des techniques, non? Il est un penseur de la modernité, surtout. Il est un penseur qui est à côté d'Adorno, d'autres, non? De cette idée de qu'est-ce que, comment ça va, tu veux, la dynamique de la transformation du monde moderne, non? C'est quoi les rôles, c'est quoi les acteurs, c'est quoi la dynamique, est-ce que nous pouvons pousser ou pas, est-ce que nous sommes, ça devient une chose impersonnelle, non? Tout ça, c'est le problème qu'il a, non? Il peut penser quelques techniques de manière intéressante, la propagande, par exemple, non? C'est très intéressant son livre, mais il n'a pas, tu veux, un pensée politique dans le sens d'un pensée que tu peux opérativiser, non? C'est très différent à Illich, non? C'est très différent d'autres. Il reste, tu veux, dans un cadre de penser un peu qu'est-ce que ça passait pour l'installation des pseudo-matrices pseudo-rationnelles, non? De la rationalisation, tu veux, de tout ce type de dynamique, de réification, d'aliénation, tous les mots que dans les siècles 20 nous avons utilisés, non? Et je pense que ça a imprégné un peu Castoriadis, non? Parce que dans l'article technique 63, il a critiqué explicitement Ellul. Non, il a critiqué, il a dit c'est un exemple d'un pensée que c'est ahistorique pour la technologie. Non? Il a dit un peu comme ça, c'est dur. Non? Et après, tu peux lire 87, Voix sans issue, par exemple. Non? Cette hyper-méga-machine, personne ne la domine ni la contrôle. Et dans l'état actuel des choses, la question de savoir si quelqu'un pourrait la contrôler ne se pose même pas. Non? Ça, c'est une des choses, mais aussi tu peux trouver la insécabilité de la technique, l'automatisme des choix techniques, l'imprévisibilité structurelle de la technique moderne, l'attitude religieuse face à la technique. Tout ça, c'est vraiment les endroits où situer les thématisations typiques de Loul. Ils sont toutes les thématisations typiques de Loul. Comme ça, Marcolini, il a quelques points de raison là. C'est vrai qu'il a été fortement imprégné. D'une manière un peu contradictoire parce que il a fait son position, la position de Loul, contre lui-même, d'une certaine manière, non? Parce que je pense, et je vais proposer un peu, non? Que c'est possible de penser dans le cadre castoriadin la technique, la technologie, et même l'automatisation de la technologie d'une manière plus intéressante que Loul l'a fait, non? Mais il a choisi un peu, non? De faire ça. Il a fait ça aussi dans un article que je n'ai jamais lu parce que je n'ai pas accès à ça. Qui s'appelle Le Grand Sommeil. Le Grand Sommeil, c'est un article qu'il a écrit pour. Je vais ici les notes. Bon, je ne le trouve pas, mais tu veux. Il a écrit pour l'année aussi 87 pour un papier, tu dis comme ça, un périodico, un newspaper. Non? Et, ouais, et que ça n'était pas récupéré après. Mais en cherchant ça à les archives, il a trouvé une chose très intéressante. Que c'est toute une boîte, non, qui s'appelle Le Grand Sommeil, où il y a un cahier de tous les projets de travail qu'il a planifié dans les années 80 pour repenser radicalement et politiquement son présent. C'est intéressant pour les accusations aussi de que Castoriadis s'est complètement dépolitisé ou il a perdu l'intérêt à l'actualité, parce que vraiment, il a esquissé de faire toute une nouvelle analyse de la manière un peu socialisme barbarie. Ça se donne un peu l'impression de c'est quoi le principal problème aujourd'hui, parmi d'autres la technique, qu'est-ce que ça veut dire de repenser la situation actuelle dans le cadre de la montée de l'insignifiance, de la privatisation des individus. C'est le moment où il est en train de parler de tout ça. Je pense, c'est le sud-ouest peut-être où il a publié, mais je ne peux pas trouver maintenant. Comme ça, le problème de ça, c'est qu'il ne l'a pas fait. Vraiment, il ne l'a pas fait et ça reste une chose à faire. Il n'a pas fait cette nouvelle analyse. Il est qu'ailleurs, ce n'est pas facile de comprendre. Il est toujours écrit, je l'ai demandé à François Bord de le scanner et me le donner, mais il ne l'a jamais fait. Comme ça, je ne peux pas, je vais pas être capable de travailler, mais il est là pour voir explicitement qu'est-ce que c'est son première réflexion sur la question technique et surtout qu'est-ce que c'est son position exacte en relation à Elul. Parce que j'ai tous les papiers, ça, je l'ai gardé. D'une invitation qu'il a été faite à Castoriadis pour participer dans un hommage à Jacques Ellul en 89. Comme ça, Jacques Prats, il a dit que ça a complètement cassé la relation l'année 89, non, parce qu'il a été invité à aller, même Ivan Illich a été là, et Landon Winner a été là, beaucoup de gens de la philosophie et de la technologie étaient là, et c'est un peu un hommage. Illich, il a écrit un des textes les plus intéressants que j'ai lu, qui raconte un peu son relation avec Ellul. Illich, il dit, je suis l'étudiant de Ellul, c'est intéressant ça. Et Castoriadis, il participe là, il a toutes les notes qu'il a prises pendant la conférence, pendant toutes les réflexions de la conférence de Ellul, mais c'est à déchiffrer, c'est pas complètement clair, mais il a quelques matériels là, dans cette cahier. Mais ça veut dire que en conclusion de cet moment, si tu veux, de cet troisième moment, c'est que ça a été, tu veux, un moment ouvert. Ce n'était pas un moment fermé. Et vraiment, il était en train de repenser cette dialectique, je pense, entre une autonomisation et la possibilité toujours d'échanger, tu veux, d'échanger les créations sociales humaines. Et je pense que c'est possible de faire ça vraiment dans le cadre de son pensée. Et parce que la question reste ouverte. Et ça veut dire aussi que nous sommes un peu forcés de clarifier le cadre ontologique, le rôle de la technologie dans ce cadre, et comment ça va, cet problème de l'autonomisation. Okay? Et bon, quelques petits éléments peut-être là, et je pense que c'est intéressant de récupérer toujours cette idée de la position centrale de la technologie dans la création de la société, mais ça nous manque, pour nous, ça nous manque de préciser comment est-ce que nous passe de la ontologie magmatique à la topologie de la société. Parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de fond de l'ontologie magmatique. Tu veux, la réalité, c'est là. Nous sommes des réalistes. Et la réalité, c'est surtout matériel. C'est une ontologie matérialiste, je peux comprendre. Il n'y a pas une autre chose que ce n'est pas matériel. Et nous ne sommes pas, si tu veux, nous serons pas jamais capables d'accéder à ça. Tu veux, parce qu'il y a toujours reste un fond. Nous pouvons faire, tu veux, tous les exercices insidiques, si tu veux, mais ça restera toujours ouvert à un nouveau exercice insidique. Ça, j'ai aucun doute de ça. Mais après, tu veux, toute la topographie, toute l'organisation ontologique autour des premiers étages naturels, les psychés, la société, la nature, je pense que ça, c'est difficile de voir si c'est complètement combinaisant. Et nous avons vu pour la relation psyché-société, et notamment pour la relation société-nature, et le rôle de la technologie, pour moi, c'est aussi pas clair complètement. Je vais un peu amplifier ça après, mais je pense que c'est clair que si nous voulons garder cette idée, tu veux, d'une société instituée autour de la signification imaginaire sociale, c'est à nous de dire où c'est la signification imaginaire sociale. Et où c'est dans un sens très matérialiste, où c'est ça. Si ce n'est pas, tu veux, une chose abstraite, si ce n'est pas une chose, tu veux, qui reste dans le ciel, où c'est ça. Dans les individus, c'est clair, dans notre capacité de création, avec peut-être l'intersubjectivité et tout. Dans les institutions explicites, c'est aussi clair, je pense. Mais je pense que l'autre endroit où les significations imaginées sont, c'est la, tu veux, la technologie, la matérialité, non? C'est, je pense intéressant ce que Mireille a dit, de, tu veux, cette dimension économique, non? Structurelle. Je sais pas, ils sont là, non? Mais de dire ça, c'est pas réduire l'originalité de Castoriadis, je pense, parce que c'est pas dire, tu veux, que tu peux reconstruire la société, non? À partir de cet objet, de cet objet de barrière que j'ai dit, non? Non, ça, c'est impossible de faire ça. C'est impossible parce qu'il y a toujours la possibilité d'une nouvelle création. De, tu veux, il y a les restes, que c'est cette reste magmatique, non? Qui peut toujours, tu veux, se remobiliser, non? C'est, peut toujours réapparaître, peut toujours créer, non? Mais si nous ne sommes pas capables de construire une topographie spécifique, je pense que nous allons tomber tout le temps dans les accusations d'idéalisme, non? Dans les accusations d'avoir, tu veux, un avis un peu abstrait sur ça, non? Et pour ça, je pense que la technologie, c'est intéressant. Finalement, il y a un autre côté, si vous voulez, de le travail un peu philosophique autour de la technologie de Castoriadis, que c'est assez intéressant et que vous connaissez aussi très bien, non? Que c'est le côté, si tu veux, vraiment de la relation entre les technologies et l'imaginaire capitaliste, non? Cette illusion relative à l'omnipotence de la technique, qu'il a typifié un peu comme une signification sociale imaginaire centrale, non? Et qui nous inocule une idée aussi simple que fausse et trompeuse. Le génie humain et son inventivité assimilée de manière réductionniste à ses productions techniques sont capables de surmonter tous les problèmes et tous les obstacles. Qui plus est, non seulement la technique a la capacité virtuelle de résoudre tous les problèmes humains, mais elle détient ses privilèges en exclusivité. Non? La politique et la morale sont dévalorisées en tant que stratégie pour résoudre les problématiques humaines. Non? Et c'est intéressant parce que dans le cadre aussi de cette réflexion, purement sur le monde capitalisme moderne industriel, non? La technique, c'est, tu veux, récupérer d'une manière très lulliante et aussi si proche de la formulation de Manfort, non? Parce qu'il dit que le développement de la technique devient synonyme d'un projet de rationalisation et des contrôles du monde historique, social et naturel. Non? Et je le cite. Finalement, si les techniques particulières sont des activités rationnelles, non? Il s'agit là de définir, tu veux, cette création, la technique en elle-même, prenons ici ce terme dans son sens restreint courant, et ça c'est très cellule, ne l'est pas dans l'absolu. Les techniques font partie de la technique, non? Majuscule, mais la technique en elle-même ne fait pas partie du phénomène technique. Dans sa réalité historique, la technique majuscule, est un projet dont l'essence semble incertain, le devenir obscur et la finalité indéterminée. Si l'on comprend évidemment que l'idée de se faire maître et possesseur de la nature ne veut strictement rien dire. Non? Ça, il a critiqué ici l'idée de la puissance absolue. Et c'est intéressant parce qu'ici, il est très proche d'Illich. Non? Et finalement, il a aussi dit que ça nous arrive à une situation paradoxale où la puissance a augmenté et ceci, ipso facto, une puissance a augmenté, voire même antipuissance. Ça, c'est le mot, non, qui utilise. Puissance de faire surgir le contraire de ce que l'on espérait. Non? Tout progrès technologique a un prix qui n'est ni calculable ni mesurable. Non? Et c'est clair que c'est une contribution majeure pour penser l'écologie, ça, non? Et ça veut dire aussi la nécessité d'une reconstruction, tu veux, d'une autolimitation sociale, non? Ça, c'est très utile. Et c'est pas surprenant qu'il ait été assez, si tu veux, intéressé dans la manière de, tu veux, de travailler l'écologie assez liée à la notion de limite, non? Il a été, tu veux, assez impressionné, ou il était intéressé dans les rapports au Club de Rome, non, l'idée des limites écologiques, qu'est-ce que ça veut dire pour vraiment les projets d'autolimitation sociale et tout ça, non. Et c'est intéressant parce que il trouve cette allergie à les limites, non, cette transgression et inhération de toute limite dans les domaines humains, en racine assez profond, non, parce que finalement il la lie avec les thématiques philosophiques très classiques, même la mort, non. Castoriadis, il a signalé que notre phobie des limites a finalement une apparenté profonde avec la négation organisée et systématique de la mort qui a caractérisé la culture occidentale depuis la naissance du christianisme jusqu'à dans toute l'élaboration ultérieure. Non? Et dans les moments où les gens nous proposent de sortir de la crise écosociale, non? Et de la mort, de le transhumanisme, non? De la mort, de la supération de l'humain, c'est ultra pertinent. C'est ultra pertinent de montrer, et Jacques Lussy l'a fait un peu, non? Et, à Rendez-vous des mortels, c'est un livre que je vous recommande, qui fait un mouvement, si un peu castoriadant, non? De montrer que vraiment c'était refus de la mort, Non, comme un cadre imaginaire, il est très puissant, il a toujours été très puissant dans les cadres modernes et que ça continue de l'être. Comme ça, si vous voulez, nous sommes un peu forcés, dans certaine manière, à agir, non, à penser en autonomie qui s'est basée sur notre condition mortelle, notre condition fragile. Non, et par conséquent, ça nous force un peu à assumer la nécessité de faire avec les autres à l'intérieur des limites de notre petite planète Terre. Non, ça veut dire, pour moi, c'était autolimitation. Non, mais si ça, c'est le programme, non, qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Non, que c'est à nous de faire quoi? Non. Et si ça nous arrive un peu de chercher à Castoriadis les propos qu'il a de que faire, non, si vous voulez, avec les questions un peu classiques autour de la technologie, c'est pas clair, vraiment, même il est un peu contradictoire sur ça, non? Parce que, tu vois, dans les moments initiaux que nous avons discuté, c'est pas complètement utile pour penser que faire autour de la technologie parce que c'est interprété de manière très réductive à côté du travail, dans le cadre un peu de le marxisme et tout ça, non? Comme ça te donne les typiques stratégies classiques de, tu veux, de faire la révolution, non? Tu fais la révolution et après, tu récupères ça et bon, ça c'est fait. Ok, je pense que ça, c'est pas utile. Ok? Après, si tu veux, si tu pars de l'idée de la technologie comme en création sociale, non? Même si c'est partiellement autonomisé, tu as une direction à travailler, non? Les premières choses à faire, c'est dénaturaliser ça. No, dénaturaliser cette idée de progrès, finalement, no, d'autonomie, cette idée d'infaillibilité de la technologie, no, de les réatterrir, de les reconceptualiser comme en création, et si tu veux, sortir de l'hétéronomie, no, face à la technique. Mais sortir de cette hétéronomie, c'est pour faire quoi? Parce que dans le carrefour de la vérine numéro 1, non, il dit qu'il reste donc un problème d'universalisation qui ne pourrait être éliminé pour un retour vers des communautés quasi autarkiques. Comme ça veut dire dire non, non, à l'écart industriel. Dans les domaines de l'homme, il dit qu'il sera illusoire de penser que nous pourrons rétablir une société pré-industrielle. Non, et comme ça, nous ne pouvons pas, non, questionner l'industrie. Non. Mais aussi les communautés, tu veux, de la contre-culture qui essayent, tu veux, d'essayer notre forme de vie, ils sont contradictoires, non? Ils sont à l'intérieur de l'écart industriel parce qu'ils utilisent les phonographes. C'est un peu facile, tu veux, l'argument, mais ça aussi, c'est un voie sans issue, non? Et finalement, aussi, dans les rôles des villes dans la construction de l'Europe, que c'est un test tardif, de 89, il dit, il semble impossible d'envisager une future civilisation humaine en dehors du cadre de ville. Non, mais les villes, si tu veux, à ce moment-là, les méga-villes, c'est une des centres de notre problème éco-social. Tu veux, à niveau de consommation, à niveau de transport, à niveau, tu veux, d'énergie et tout. Non? Mais en même temps, il peut valoriser, tu veux, le travail des Grecs qui travaillent avec tu veux, les arbres, la culture paysanne, et, non? Et que c'est un peu, si tu veux, comme ici sont les paysages de mon vacances, ça c'est bien. Non? Et je peux valoriser ça. Non, mais après, qu'est-ce que ça veut dire politiquement, non? Je suis pas sûr, je n'ai pas les réponses, mais j'ai quelques intuitions, non? Et c'est pour ça que je dis que moi, je me peux trouver assez proche de quelque chose que Aurélien il a dit ce matin, hein? La première chose, c'est clair que pour moi, tu ne peux pas sortir de la crise socio-écologique actuelle sans, tu veux, repenser la société industrielle. En direction, non? Parce que, si tu veux, il y a un lien assez étroit entre les croissances, non, les croissances économiques, les consommations d'énergie et la destruction écologique. Non? Et ça veut dire, tu veux, que toutes les structures que nous avons construites pour soutenir notre besoin dans le cadre des villes, non, et utilisant la médiation des marchés et de l'État, non, ça va pas. Si tu fais ça, tu veux, les prix à payer, c'est vraiment de peut-être faire de la Terre un endroit impossible d'habiter. Non? Après, est-ce que tu veux, et ça veut dire que c'est à nous de dire non à tout? Non, c'est pas si facile, non? C'est pour ça que c'est intéressant de reprendre, tu veux, et François Bérard, il l'a fait, non? Castoriadis et Illich, non? Fait l'inventaire, c'est cette idée de Illich, non? Et bon, qu'est-ce que c'est que nous avons? C'est quoi la relation que ça entretient avec le reste du monde? Est-ce que nous pouvons découper, si tu veux, ça de le reste? Non? Parce que notre problème actuel, il y a un chercheur de la Suède, Suède, Suède, Suède, non? Sweden, Oui, qui s'appelle Alf Hornborg, non? Il est aussi un penseur de la technologie d'un côté non neutral, non? Qui dit finalement, si tu veux, la technologie dans notre société, c'est une expression pure, si tu veux, de l'interchangement écologique et économique inégal. Non? La technologie, quand ça apparaît ici, ça veut dire toute la société que c'est inégal à niveau, tu veux, d'extractivisme, de destruction écologique, tu veux, des structures salariales, des structures sociales, des guerres, non? Comme ça, c'est à nous de penser, repenser, non? Quel type de technologie, quel type de techniques se peut découper de tout ce type de dynamique, non? Et ça, je pense, c'est le travail à faire, vraiment, hein? Partir d'une repolitisation de la question technologique, pour poser vraiment la possibilité d'une exercice autonome vraiment autour de la technologie, pour trouver, construire, adopter, tu veux, si vous voulez, des technologies différentes. Et c'est intéressant parce que ça donne aussi une réflexion plus générale sur qu'est-ce que ça veut dire construire l'autonomie. Non? Et ça revient une autre fois sur la question ontologique. Non? Parce que la société autonome, comme totalité, ça va venir de qui et ça va construire comme. Non? Parce que ça ne sera jamais le moment où la pluralité va disparaître, non? Même si nous ne aimons pas les mots, l'agonisme disparaître, parce que c'est là la différence, non? C'est là la différence, c'est là les conflits. Non? Ça n'arrivera pas le moment où tous les gens vont être d'accord, non? Et ça n'arrivera pas le moment où toutes les infrastructures, non, que nous avons construites, mais aussi les droits, aussi les lois économiques et tout, va disparaître. Non? Comme ça, c'est à nous de chercher un processus. Un processus qui est capable, tu veux, de manière réaliste, de faire une transformation de manière simultanée dans les mots matériels, dans les mots institutionnels et aussi dans les côtés, si tu veux, subjectifs, non, tu veux, en général, dans tous les mots de signification instituée, non. Et là, je pense que c'est très intéressant de voir que même s'ils ne sont pas la solution finale, tous les exercices de reconstruction de l'autonomie matérielle, toutes les alternatives dans l'économie sociale et solidaire concrète, non? Si tu veux, tous les propos qui sont dans le cœur de la décroissance, non? De la propose de la décroissance, et ça inclut aussi, non? Repenser la technologie dans le cadre peut-être de low-tech, non? Et moi, je, dans le travail que je fais à l'Espagne, non? Que ce n'est pas à côté exactement de Castor Real, je propose de parler de techniques humbles, par exemple, non? Tout ce type de matérialisation concrète, ils sont, tu veux, un exercice de construction d'une société autonome, dans le sens où ça commence, tu veux, à faire un conflit et même peut-être à nous faciliter de sortir de la dépendance, non, de tu veux, des structures qui sont liées aujourd'hui à la technologie et à la société capitaliste. L'existence des alternatives, c'est déjà une possibilité pour, tu veux, ouvrir la clôture de l'hétéronomie, parce que ça montre qu'il y a une autre possibilité là, que tu peux le faire, non? Et il y a aussi un potentiel, si tu veux, de devenir à une échelle un peu plus grande, non? Parce que ça montre, tu veux, qu'il y a les manières d'aller de notre position dans une autre position, non? Finalement, dans cette idée, non, de l'ontologie fichiste ou l'ontologie qui n'est pas fichiste, est-ce que peut-être le changement social, il n'est pas rien d'autre chose qu'une accumulation, si tu veux, de ce type de conflit, non, instituant, qui donne, tu veux, un nouveau équilibre, non? Et est-ce que ça nous permet de continuer de penser strictement, non, et toutes les sociétés comme en totalité fermée ou non? Ça, c'est les questions ouvertes que j'ai, hein? Ce ne sont pas les questions qui sont ouvertes, non, mais... Par contre, je ne suis pas vraiment dans les côtés hégémonie, dans les côtés la tour et tout ça. Hein. Je trouve ça complètement insuffisant. Hein. Je peux comprendre que finalement, c'est déconstruire notre société. Hein. Ça veut dire construire notre culture, non, construire notre cadre. Non. Mais je pense, Stéphane, tu l'as montré très bien, ce n'est pas facile. C'est quoi la structure de la société? Où c'est les limites d'une société et une autre? Non? Dans quel moment nous pouvons dire que la société a changé ou non? Est-ce qu'il y a jamais seulement une société? Non? Parce que si tu prends en sérieux cette relation entre la technologie et un élément indéterminablement imaginaire, c'est tout le même aujourd'hui, hein, dans certaine manière. Il y a les différences qui restent de langue, de religion, de coutumes et tout, mais il y a un noyau assez profond que c'est notre dépendance de l'élément industriel, non, qui s'est partagé comme ça. Est-ce qu'il y a seulement une société aujourd'hui? Non, peut-être l'idée, c'est de découper, non, de récupérer une autre société. Bon, tout ce type de questions, je pense, qui sont liées à la possibilité de penser en action politique de construction d'autonomie, non, d'une manière, je ne sais pas si volontariste, peut-être, non, ce n'est pas si loin de la manière de les penser de la Valilardo, non, de construction spécifique de comment, mais qui a, je pense, le potentiel de tout transformer. Et ça inclut, et comme ça, je vais fermer définitivement, à mon 40 minutes, notre lien à la nature. Parce que l'autre chose que je trouve un peu problématique dans les pensées de Castoriadis, c'est vraiment son conception de la nature. Non? Je pense que même si c'est pas vraiment c'est pas nécessaire, comme je dis, de devenir Morisot ou de devenir Latour, non? Et de dire que nous sommes tous les mêmes et que tu vois, nous avons une ontologie qui s'est partagée et tout, non? Et que nous allons faire la politique avec les animaux, peut-être que c'est un peu excessif. C'est aussi excessif de dire que la nature, c'est seulement. Tu veux un premier être naturel ou sinon un vivant qui s'est clôturé, non, un pour soi et qui c'est un peu autistique. Non? Ça, c'est insuffisant pour moi. Non? Parce qu'il y a une chose qui c'est clair, que c'est la éco-dépendance. Et la éco-dépendance, ça veut dire que finalement, pour comprendre c'est quoi l'unité vraiment structurelle ou c'est quoi l'unité qui donne un peu l'identité de ça que nous sommes, l'unité, c'est la totalité des vivants finalement. Ça, c'est l'unité pour la description, non? Et si nous voulons décrire un vivant, non? Par exemple, un arbre, non? Maintenant, nous sommes conscients que l'arbre, ce n'est pas l'unité. L'unité, peut-être, c'est toutes les forêts, non? Comme ça, tu veux, ça a changé, non? C'est une relation, tu veux, d'éco-dépendance que c'est à nous de récupérer, même que l'interdépendance, que je pense que c'est les racines de ton préoccupation sur l'intersubjectivité, non? Tu ne peux pas penser la société sans l'interdépendance, non? Tu ne peux pas penser la société sans la éco-dépendance, non? Comme ça, la nature, il n'est pas seulement une chose où tout est tâche, non? Il est une chose active aussi, non? Et comme ça, tu veux, c'est comme la psyché, non? La psyché, est-ce que c'est seulement un peu négativité ou il y a un apport positif à faire, non? Dans la manière qu'Arnaud l'a pensé. Je pense qu'il y a un parallèle très intéressant avec la nature, non? Est-ce que c'est un pur endroit négatif qui te donne les limites pour t'étager, non? Ça, c'est une conception héritée un peu de Kuhn, hein? Je pense finalement, hein? Sa conception un peu de la science, non? Il a beaucoup lu Kuhn, il a compris un peu cette idée, non? De, ok, la science, c'est ça, non? C'est un peu la structure qui donne après la possibilité de reconstruire quelque chose sur ça, non? Ou c'est aussi quelque chose d'actif, hein? Je pense que c'est quelque chose d'actif qui pose, tu veux, des limites et qui aussi participe, non? Et le réchauffement climatique aujourd'hui, non? Ça fait clair que c'est pas seulement en limite, c'est en dynamique, non? Ça va, je Eh pense ben... il y a pas mal de questions ouvertes, mais c'est pour ça, non? C'est pour discuter. Hein? J'essaie de réouvrir et de poser, tu veux, à côté mon intérêt castoriadin avec mon intérêt de philosophie de la technologie, écologie politique. Je pense que ça c'est peut-être intéressant pour vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Adriane, pour tout cet exposé. Effectivement, qui pose énormément de questions, mais on est là pour ça. Hein. On n'a pas forcément les réponses, d'ailleurs, c'est Non, ça moi non qui est plus. angoissant. Mais on va essayer peut-être de, je sais pas, de les créer ensemble, ou en tout cas d'essayer de poser. En tout cas, je pense qu'il faut, s'il y a un terme qu'il faut retenir de Castoriadis, c'est quand même la lucidité. Et au fond, la lucidité, c'est aussi avoir, j'allais dire, conscience un petit peu des limites de ce que Castoriadis appelle le projet d'autonomie. Et là, pour le coup, l'exemple de la technique, c'est quand même un exemple assez intéressant, paradigmatique, pour voir justement, me semble-t-il, bah, toutes les limites de la notion de projet d'autonomie, bon, dont par exemple Stéphane a montré un petit peu ce matin les limites, parce que d'un point de vue politique, voilà. Penser l'autonomie, mais à quelle échelle, hein, si je reprends ce que disait Aurélien aussi ce matin. Et puis, voilà. Alors, je vais me contenter vraiment de quelques remarques très très rapides, hein, parce que je veux surtout qu'on puisse avoir une dernière demi-heure là, de libre discussion. Mais il me semble que vraiment, tu mets le doigt sur beaucoup de choses. Alors, la première chose, hein, c'est vraiment déjà, je trouve que cet exposé, il nous apprend énormément de choses sur les rapports de Castoriadis et Ellul. Bon, on avait déjà appris hier avec Jacques Prade que Ellul aurait dû préfacer la technique ou l'enjeu du siècle, hein. Donc moi, je ne savais pas du tout personnellement qu'il y avait des rapports aussi étroits entre Ellul et puis Castoriadis, même si quand on lit bien sûr les textes de Castoriadis sur la technique, Voix sans issue par exemple, bon, on voit très clairement qu'il y a on va dire, une inflexion très claire de la pensée de Castoriadis en ce qui concerne la technique par rapport, bah oui, au texte du contenu du socialisme que tu évoquais et qui peuvent apparaître rétrospectivement peut-être un petit peu naïfs. Hein. Voilà, bon, on va changer de technique hein, parce qu'on va passer à une société socialiste et donc on va créer une technique qui va correspondre réellement aux besoins humains. Et au fond, je me dis, Castoriadis qui dénonce la conception instrumentale de la technique, bah, d'une certaine manière, là, dans ce texte-là, il est en plein dans une conception instrumentale de la technique. Donc il me semble qu'il y a vraiment un progrès de ce point de vue-là considérable de la pensée de Castoriadis au contact de la pensée d'Hellul. Hein. Je ne sais pas s'il avait lu Le système technicien, par exemple, qui va encore plus loin, parce que dans Le système technicien, Hellul, en prenant en considération quand même quelque chose d'excessivement important, et on est bien placé pour le savoir, nous qui arrivons après, c'est la révolution informatique, quoi, hein, qui permet là pour le coup, j'allais dire, de créer une unité, on va dire, de toutes les technologies, et au fond de resserrer, je dirais moi, l'étau encore hein, de l'hétéronomie, parce qu'au fond, voilà, on se sert de ces outils, mais en même temps, là c'est aussi quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord. Hein, ce que dit Castoriadis, il faut sortir de la fallacie entre moyens et fins, quoi. Je suis un lecteur de Zimmel et au fond, Zimmel nous montre que l'argent, c'est jamais simplement un moyen. Hein. Ça peut être une fin et qu'au fond, il y a aussi j'allais dire, une influence des moyens sur les fins. Hein. Les moyens transforment les fins. Hein. C'est pas simplement les fins qui se servent des moyens. Donc, bah ça, c'est la première chose que je trouve vraiment extrêmement intéressante dans ce que tu dis. Bah la deuxième chose qui me paraît essentielle dans ton exposé, c'est que ça met, et toute la dernière partie de ton exposé bah, le montre très bien, un petit peu, ça met en évidence les limites, quand même, j'allais dire, d'une transformation révolutionnaire, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas dans le sens de l'autonomie, on va dire, de la technique aujourd'hui. Et Castoriadis lui-même, hein, déjà dans l'article technique des Carrefours du Labyrinthe, du tome 1 des Carrefours du Labyrinthe, insiste sur quelque chose d'important que tu as d'ailleurs rappelé, c'est qu'il y a aujourd'hui, dit-il, bah, une mondialisation hein, des normes, par exemple, techniques, des standards techniques. Et au fond, aujourd'hui, j'allais dire, bah, on a passé un cap vraiment extrêmement supérieur parce que. Il y a ce que Michel Serres appelle des objets mondes, hein, on peut penser à Internet. Et au fond, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Transformer le rapport aux outils techniques, sachant que ça, c'est aussi la troisième chose très importante dans ce que tu rappelles. La technique, c'est une dimension de la société. Oui, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une cause. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'au fond, les outils que nous utilisons, les techniques que nous utilisons, sont solidaires aussi, bah, par exemple, des types d'énergie dont nous avons besoin, des formes que va prendre la production, bien sûr, des formes politiques. On peut penser au nucléaire, hein, dont parle Castoriadis dans la conférence avec Cohn-Bendit. Au fond, une centrale nucléaire, ce n'est pas simplement un outil dont on va se servir pour produire de l'énergie. Bah, une centrale nucléaire, ça suppose tout un tas de choses, hein, une organisation de la production, des instruments étatiques, les rôles de nos experts. voilà le rôle des experts, donc au fond, une hétéronomie instituée extrêmement, extrêmement puissante. Et puis à côté de ça, il y a j'allais dire, un petit peu aussi les demandes, je dirais, des individus. Hein, Castoriadis, à partir d'un certain moment, dans son accusation du capitalisme, a dit, mais il faut quand même pas oublier que, au fond, Schumpeter a raison de dire, mais oui, il y a. Cette société vous offre des gadgets, mais c'est vous qui les voulez, quoi. Et au fond, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question qui pose d'ailleurs hein, dans la conférence avec Cohn-Bendit, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à se passer bah, du confort que nous offrent les objets technologiques ou que nous offre l'énergie nucléaire? On voit à travers tous les problèmes que pose la transition énergétique, écologique, on voit qu'il va falloir renoncer à quelque chose et qu'au fond, bah, c'est un travail de deuil d'une certaine manière et que c'est. C'est pas facile, et que l'autolimitation, la sobriété heureuse, hein, comme on dit quelquefois, bon, ça peut paraître un beau programme comme ça, mais concrètement, c'est très très difficile à mettre en œuvre. Parce qu'au fond, bah oui, Internet, ça nous facilite quand même considérablement la vie, par exemple à nous chercheurs, ça nous permet d'être en relation. Voilà, mais Internet, ça suppose des systèmes de câbles sous-marins, ça suppose des terres rares qu'on fait venir de Chine. Bref, ça suppose une organisation au niveau du monde. Non autonome. Voilà, non autonome, voilà, qu'on rejette complètement. Voilà, et il me semble que, bon, c'est dommage, Aurélien n'est plus là, mais que. Et c'est ça que je trouve un petit peu comme limite à la pensée d'Illich, que je trouve un auteur extrêmement intéressant. Mais Illich, bon, il montre évidemment dans sa thèse qu'à partir d'un certain moment, bah, des outils qui sont autonomes produisent des. Voilà, deviennent contre-productifs, produisent le contraire de ce qu'on veut. Mais au fond, la pensée d'Illich, elle est quand même solidaire de cette idée qu'on va revenir à des communautés plus petites, qu'on va pouvoir sortir effectivement de la société industrielle et de la dépossession que les institutions produisent, hein, sur les savoirs, sur les savoir-être, etc. Mais est-ce qu'on peut faire marche arrière? C'est au fond la question que pose aujourd'hui aussi la transition écologique. Il semble, d'après les citations que tu donnais, que Castoriadis, lui, disait non, c'est pas possible, quoi. Hein, on ne peut pas revenir comme ça à une société de petites communautés en interaction. Donc, au fond, alors, il y a d'ailleurs un dernier élément que je vais ajouter avant de céder, enfin, tu souhaites peut-être ajouter des choses et de céder la parole à la salle. Il me semble qu'il y a aussi, il y a eu tout un mouvement. Ces derniers temps, que je qualifierais un petit peu d'optimisme technologique, en disant qu'il y avait aussi aujourd'hui des outils conviviaux. Enfin, il y a eu beaucoup de croyances comme ça, d'optimisme, hein, dans les Fab Labs, voilà, même dans Internet, dans les réseaux sociaux, comme outils justement qui allaient. Et il me semble que là, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait ajouter à Castoriadis, c'est qu'on trouve chez des auteurs comme Stiegler, par exemple, hein, la technique, c'est toujours un pharmacon, quoi, au sens vraiment de Platon, c'est-à-dire. Oui, ça permet de résoudre des problèmes, hein, ça nous facilite en grande partie la vie, mais en même temps, ça pose en contrepartie des problèmes. Hein, ce que Castoriadis lui traduit de la manière suivante, il y a un prix à payer pour tous ces outils technologiques. Et au fond, il me semble que, bah oui, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de formidable. On a vu le rôle des réseaux sociaux, par exemple, dans les révolutions arabes. Mais réciproquement, bah, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet aussi la diffusion des fake news, c'est ce qui permet aussi à une certaine forme de populisme de se développer. Donc voilà, moi, enfin, ça m'ouvre des perspectives considérables, ton exposé, je t'en remercie vraiment. J'ai pas vraiment de questions à poser, sinon peut-être une question assez massive, et vous l'excuserez, vous le mettrez peut-être au compte de la fatigue de la fin de journée, mais du coup, est-ce que tout ce que tu dis n'invalide pas quand même la perspective d'une société autonome au sens où Castoriadis entendait ce terme. C'est-à-dire, au fond, puisque toutes les institutions constituent une totalité cohérente, et qu'il faudrait tout remettre en question, au fond, hein, parce que se dire je vais changer de technique, ben, c'est pas aussi simple, parce qu'il faudrait aussi que je change de type de propriété, il faudrait aussi que je change de structure productive, il faudrait aussi que je change d'institution politique. Est-ce qu'au fond, ben, ça renvoie pas à une certaine forme de naïveté, ce projet d'autonomie, sachant qu'en même temps, il est urgent. Enfin, Mireille le rappelait très bien, c'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin de la décroissance, quoi. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, sauf à dire ce que disait Jacques Prat hier, c'est-à-dire que l'incident technologique, où, voilà, je ne me souviens plus, la deuxième perspective n'était pas non plus très, très, très, très optimiste, hein, mais bon, le développement du capitalisme nous condamne d'une certaine manière. Enfin, on ne peut pas s'en satisfaire, quoi. Mais en même temps, on ne voit pas comment on peut faire. On ne voit pas concrètement comment on peut transformer cette société dont pourtant on n'est pas satisfait parce que sinon on ne serait pas là tous ensemble aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à répondre et puis ensuite, bien sûr. Très vite pour rendre les critiques qu'il y a. Et non, en réponse assez courte, la société technicien était chez lui. Je ne sais pas s'il est à Lou, mais c'est chez C'était lui. chez lui. Ouais, j'ai toute la liste de la livre de Lou qui sont chez lui. J'étais là pour voir ça explicitement. Et après, oui, c'est des questions massives, non, qui tu parles. C'est la question de la décroissance, finalement, non, de manière assez ouverte. Hein, pas, en France, tu vois, il y a toutes les subtilités, la décroissance, il y a un endroit assez spécifique, il y a tous les revues. Bon, je parle un peu de la transformation sociale, non, en général, dans le sens de sortir de la croissance. Non, je dis ça quand je dis décroissance. Non, je pense que ça, le type de réflexion que je veux partager avec vous, ça nous pose un peu, je ne sais pas si c'est pas, je pense, l'idée de que l'autonomie, c'est, tu veux, un projet un peu impossible ou que c'est un projet à abandonner, mais que c'est beaucoup plus radical et profond que normalement nous le pensons. Non, c'est pas seulement de partager ou changer, tu veux, en question de notre avis allemand ou même en transformation institutionnelle, c'est une transformation vraiment massive. où vraiment les liens étroits que nous avons construits entre le soutien de la vie, la nécessité, non, le soutien de les corps, de les humains, et tu veux, le capitalisme, non, c'est à nous de les court-circuiter. Non, c'est à nous de, vraiment de trouver des autres stratégies pour soutenir la vie. C'est ça. Hein. Et c'est pour ça, je pense, la pertinence de la question de la subsistance, finalement. Parce que c'est là où tu, vraiment, tu peux mobiliser, tu veux, de manière très, un peu même moment, tu peux mobiliser vraiment une action assez radicale, non, qui permettre vraiment de faire ce type de séparation. Non. Et ce n'est pas une marche arrière. Ce n'est pas une marche arrière. C'est vraiment c'est une reconstruction. Non, c'est la reconstruction. C'est, normalement, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées assez vite. Non, et Mireille, il a dit, hein, il y a les choses qui ont été bien les années 60. Hein. Non, la production un peu plus localisée, les marchés plus petits. C'est pas vraiment les cycles 15 qui nous veulent aller. Hein. Vraiment, la globalisation du capitalisme, le monde de l'inégalité, la destructivité écologique, toute sa force, ça a commencé à les années 50. Ça, comme ça, vraiment, de penser d'habiter à le monde de Walter Benjamin, c'est pas pour moi catastrophique, hein, d'un niveau d'escale, un niveau d'organisation. Mais vraiment, il y a le travail à faire, il y a le travail concret à faire. Non, moi, je fais part d'un groupe écologiste le plus grand de l'Espagne, qui nous fait le travail à côté des syndicats, à côté du monde de l'économie. Non, nous pouvons transformer ça, transformer l'autre. Non, et ici, vous savez, le soulèvement de la Terre. Je pense que le soulèvement de la Terre, c'est un exemple génial de vraiment un mouvement qui cherche l'autonomie. Et que ça m'a inspiré un peu pour dire, est-ce que peut-être reconstruire l'autonomie, non, et nous la devons penser de manière progressive et pas de manière, tu veux, complète comme ça. Parce que si tu veux penser vraiment la société autonome, non, qui va être cette chose qui se transforme tout, c'est impossible, c'est frustrant, c'est vraiment c'est le suicide, non. Mais si tu penses, tu veux, qu'il y ait peut-être il y a une dynamique de transformation, de contestation, de dénaturalisation, de clôture de l'hétéronomie, de construction d'alternatives, non ? Et le soulèvement de la terre, et prise de terre, et prise de savoir, c'est tout ça, non ? Il y a une dynamique qui commence à peut-être à montrer un chemin, non ? À montrer un chemin de confère, non ? Ça. Et oui, la seule chose, c'est oui, les technologies, les prix à payer et aussi les résultats non planifiés. Ça, c'est assez important aussi. Non, c'est un exemple typique, tu veux, de l'idée de pseudo-matrice pseudo-rationnelle. Parce que l'idée, c'est qu'avec la technologie, nous fait des contrôles, mais nous ne contrôlons rien. Hein. Le réchauffement climatique, c'est l'exemple clair d'une volonté de contrôle qui a devenu un descontrôle total. Oui. Quentin, ah, nous le faisons nous-mêmes en... L'autogestion. Ok, parfait, non, je... parce que c'est bien, hein, nous le pouvons faire. Merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'avais tout d'abord deux remarques, enfin, une question et ensuite une remarque. Enfin, une remarque sur le soulèvement de la terre, justement. Ma question, c'est plutôt sur la critique de Castoriadis de l'histoire côté déterminisme dans le marxisme. Et il y a une partie qui est très intéressante dans l'institution imaginaire de la société, enfin la première partie, c'est-à-dire qu'il critique le marxisme aussi, parce que le marxisme oublie la technique dans l'histoire. Il y a ce passage-là que je trouve intéressant, où il dit qu'une conception déterministe oublie le fait qu'il y a eu des civilisations qui ont eu certaines techniques qui ont été oubliées par la suite. Et moi, la question que je me posais, c'est dans le cadre d'une société autonome, comment on pense l'oubli de la technique ? Comment on pense la non-transmission, en quelque sorte, dans le temps long aussi, mais ça peut être aussi dans le temps court, notamment sur les questions, enfin, ça revient souvent dans les débats, hein, mais sur les questions du nucléaire, par exemple. Parce que ce n'est pas seulement une question de langage, de transmission du langage, et de perte du langage, même si c'est ça qui rentre en jeu, c'est aussi une perte des techniques et une perte du savoir-faire autour du nucléaire. C'est la question, sans doute un peu large, mais... Si tu la traites, c'est comment on pourrait penser l'oubli de la technique au sein d'une société autonome. Sur le soulèvement de la Terre, justement, pour rejoindre ce que disait Arnaud Thomas, c'est sur la complexité de la société autonome et notamment d'un mouvement autonomiste. Bon, ces derniers temps, le soulèvement de la Terre a été très médiatisé, notamment par sa dissolution. Et il y a un article, je n'ai plus le site en tête parce qu'il n'est pas si connu, mais c'est un article dans un blog militant, qui est paru d'anciens membres du soulèvement de la Terre. Il y a une critique très claire sur le soulèvement de la Terre. Je ne suis pas spécialiste, mais ça part notamment de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il y a un groupe qui s'est formé, et justement, ensuite, le soulèvement de la Terre a grandi pour devenir une stratégie de massification des luttes écologiques. Et l'objet de la critique de cet article, c'est de dire que, justement, il n'y a pas d'autonomie, de pratique de l'autonomie au sein de ce soulèvement de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a une direction, en quelque sorte, donc, avec des porte-paroles qui ont été mis en lumière et qui sont de plus en plus connues. Il n'y a pas de. Enfin, c'est-à-dire que l'objectif de massifier le soulèvement de la Terre, le mouvement lui-même, et de ramener avec des coups de force comme à Sainte-Soline, il y a une perte d'autonomie à la base. Et en fait, simplement la remarque, c'est pour dire que si on s'intéresse peut-être un peu plus au soulèvement de la Terre, je ne sais pas si les personnes l'ont fait ici dans l'amphithéâtre, ça peut permettre justement de montrer toute la difficulté d'un mouvement et de la pratique de l'autonomie. On est dans une logique de bureaucratisation ou moins de rupture entre la base et la direction, le porte-parole. Voilà. Merci. Très vite, le problème que tu dis a été, je pense, assez intéressantement traité dans le cadre de l'idée des communes négatives. Non, cette idée de toutes les choses qui sont là, peut-être ils sont nocives, ils sont l'héritière que nous avons et qu'il y a quelque chose à faire. Non, c'est un comment qui s'est imposé, mais que c'est un comment, c'est à gérer. Non, et c'est assez clair aussi pour la subsistance. Et c'est intéressant parce que dans les études d'histoire de la science, non, cette idée de le savoir-faire, il devient de plus en plus important. Je connais le même type de bibliographie que toi sur la question de la nucléaire. Non, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable aujourd'hui de démonter un bombe nucléaire? Non, c'est une question qui s'ouvre. Mm-hmm. Parce que, tu veux, nous ne le faisons pas, non, maintenant, et comme ça, nous n'avons pas les savoir-faire que c'est toujours incarné dans un corps, dans une personne qui est capable de faire ça. Non? Comme ça, je suis d'accord que dans les projets d'autonomie, il y a un côté important de, tu veux, être capable de gérer les commandes négatives. Non? Et ça, ce n'est pas inutile de les récupérer parce que c'est un point intéressant. Hein? Et autour du soulèvement de la Terre, que je suis assez proche, même si j'habite à l'Espagne, parce que je suis très, très intéressé, tu veux, toutes les stratégies de massification médiatisées pour les réseaux sociaux et les mondes informatiques, ils sont déjà toujours vraiment forcés à un certain degré, si tu veux, de différenciation. Non? Mais que ça invalide de fond, tu veux, les projets, que ça invalide, tu veux, les pratiques et tout, je ne pense pas. Je n'ai pas lu l'article que tu dis, non, mais je pense que, tu veux, le potentiel, c'est de voir le soulèvement de la Terre en connexion avec les reprises de terre, les reprises de savoir, non, en connexion, tu veux, avec tout un mouvement de récupération, reconstruction de la subsistance. Ou participer à, tu vois, un mouvement soulevant de la terre, c'est pas seulement le moment où tout va en grosse manifestation que peut-être quelqu'un il a planifié, que peut-être quelqu'un se les porte-parole, non, c'est vraiment un compromis plus intime, je pense, et à la reconstruction, à la récupération de la subsistance quotidienne, non, et ça c'est de fond, je pense, l'objectif. L'autre, c'est seulement un moment, si tu veux, stratégique, non, un moment stratégique. Mais ça devient, si tu veux, les mêmes débats des mouvements ouvriers, finalement. Hein. C'est quoi le rôle de l'échelle, nous organisons de quelle manière, mais invalider. Non, et pour moi, les choses les plus intéressantes qui s'est passé dans les côtés écologistes à l'Europe dans tous les siècles, pour ce type d'argument, je ne suis pas convaincu. Il a écrit un bouquin, c'est le brutalisme. Et puis dans ce bouquin, il propose une critique de la technique qui est très claire. Et dans cette critique de la technique, il dit, grosso modo, l'argumentaire c'est le suivant, disons, ce serait la majeure, toute forme de vie est digne d'être vécue. Et puis il y a la rationalité technique qui, elle, est une forme de brutalisation. Et comment il définit la brutalisation? Il définit la brutalité, ou le brutalisme, la brutalisation, comme une destruction des formes de vie pour les réagencer d'une certaine manière. Donc, la majeure, ce serait la suivante, finalement, ce serait de dire, mais, toute forme de vie mérite d'être vécue. La brutalité technique détruit les formes de vie, donc il faudrait critiquer la technique. Donc c'est vraiment résumé de manière très schématique. Mais on voit, c'est un syllogisme, ça. Et Casserelis, lorsque l'on regarde ce qui se trouve dans sa pensée au sujet de la technique, on a le Tocqueville, au niveau de sa philosophie comme thème, on a le Tocqueville, on a sa compréhension de la nature comme recréation de la nature par le totémisme. Or, et d'un autre côté, on a ces positions qui sont des positions politiques où on retrouve des idées qui sont de l'ordre de la critique du pronothéisme technique, ce genre de choses qui va être très bien restituées. Mais je ne vois pas, disons, dans la pensée de Castoriadis comme telle, des critères logiques ou des critères moraux ou normatifs qui permettent de fonder ces positions politiques telles qu'elles s'expriment dans le sens issu. Chez Bembe, c'est très simple. On a un critère normatif qui est un critère vitaliste. C'est un critère moral. La vie mérite d'être vécue, toute forme de vie mérite d'être respectée d'une manière ou d'une autre. Or, la technique la vitalise. Or, chez Castoriadis, je ne vois pas de critères aussi clairs qui permettent de déboucher de manière logique sur une critique ou une condamnation de la technique. Au contraire, on a des prises de position qui, d'un point de vue, disons, philosophique, sont plutôt favorables à la technique, mais font de la technique une dimension inéliminable de l'activité humaine, et même qui positionne la nature dans la dépendance de la technique. Donc, on a ça dans la philosophie qui sert tout de même. Alors peut-être qu'il faut nuancer les différentes formes de la technique selon lui. Il y a des modalités, des institutions particulières de la technique, mais d'un point de vue strictement logique, d'un point de vue de l'argumentation, je ne vois pas comment Castoriadis parvient en fait à ces positions telles qu'elles sont développées dans ses textes d'opinion telles que Voix sans issue. Donc en fait, la position que je te pose, c'est est-ce qu'il y a chez Castoriadis un fondement normatif ou quelque chose de clair qui permettrait, d'un point de vue logique, au-delà de l'expérience, finalement, ou de la condamnation, une condamnation, un argumentaire philosophique. Ce serait ma question. C'est une bonne question. Je réfléchis un peu sur ça parce que c'est vrai qu'il y a toute la dimension, tu veux, de son description de Le Touquin que je vais pas récupérer ici parce que ça peut être un peu lourde. Et ça s'est connecté un peu avec une idée simple, je pense, non? La technique, c'est une trait naturelle, si tu veux, de l'humain. Comme ça, tu veux te dire non à la technique, c'est ridicule. Non? Castoriadis, il n'a jamais fait ça. Hein? Mm. Moi non plus. Je pense peut-être Heidegger dans certain moment, mais je pense que la normalité des gens ne fait pas jamais ça. Non? Mais si tu veux, tu cherches, ou tu me demandes s'il y a quelque chose de normatif, et c'est impossible de trouver une chose normative parce qu'à niveau de description ontologique, la technique, c'est un trait humain. Non? Les seuls argumentaires que tu peux trouver, c'est socio-historique toujours. Non? C'est quel type d'expression technique nous savons construire, non? Et en relation avec quel type d'imaginaire et avec quel type de conséquences. Non? Comme ça, je pense, il y a un lien qui c'est, je ne sais pas si logique, mais ce n'est pas ontologique, c'est socio-historique, non? D'une certaine manière. Et ça, c'est très lié, peut-être, par exemple, le travail qu'il a fait à réflexion sur le développement, la rationalité, non? Ou d'autres articles où il a montré, non? De manière que c'est assez proche à la critique anti-industrielle, que pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'imaginaire du capitalisme, non? Toutes les différentes forces qui participent, nous avons besoin de comprendre une conception spécifique de la nature, et les technosciences, et la construction de la science moderne. Et c'est ça, finalement, qui a donné, si tu veux, une inertie que c'est tout à fait, non, logiquement compatible avec son ontologie. Nous le connaissons, non? C'est un des traits fondamentaux de toutes les institutions, de toute la construction socio-historique, non? De les significations imaginaires sociales, de s'enraciner à la société, de trouver l'hétéronomie, non? De chercher l'hétéronomie pour ne pas être contesté et d'avoir, si tu veux, l'inertie, non? Comme ça, je pense qu'il est à l'analyse, il a construit une analyse socio-historique qui est cohérente, non? De dire, bon, nous avons construit une technoscience qui est devenue hétéronome pour nous et qui a, si tu veux, les impacts qui sont destructifs. Et il ne s'est pas bien exprimé. Je pense qu'il a été, si tu veux, de manière mauvaise, influencé pour la manière où Elul s'approxime à ça, d'une manière un peu plus ontologique. Non? Il n'est pas posé la question de manière strictement socio-historique, de dire, dans ma thèse, j'ai dit, c'est une dynamique d'autonomisation partielle. Ça, c'est la formule explicite que j'ai utilisée. Non? La technologie, la technoscience, c'est dans une dynamique d'autonomisation partielle. Non? Comme ça veut dire, il y a des choses à faire. Non? De l'arrêter, de le contester, de le construire, de le reconstruire. Non? Quand tous les voient sans issue, c'est pas clair ça. Il ne le dit pas comme ça. Non, il est toujours avec des questions, non, il s'interroge, mais il n'est pas clair. Mais c'est possible de faire ça meilleur que lui, je pense. Non, c'est-à-dire, il a l'autonomisation partielle, et c'est pour ça que c'est les chambres de la politique. C'est les choses à faire. Non? Mais je pense que ce n'est pas incohérent avec son ontologie. On trouve un peu le fil de questionnalisme conséquentialiste. On a parlé de... Ouais, un peu. Oui, moi je voudrais te faire part d'une remarque. Je partirais peut-être d'un commentaire de Arnaud à propos de ton exposé. Il dit le problème c'est que la technique est une sorte de pharmacon, donc il est fondamentalement ambivalent. On peut en faire des usages très positifs et des usages négatifs. Ça, ça implique déjà qu'il y a une certaine neutralité de la technique. Si on peut faire des usages aussi opposés l'un que l'autre, c'est qu'il y a quand même une part... C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Je le prends plutôt au sens de Stiegler, c'est-à-dire au fond, est-ce que comment tu évalues un usage positif ou négatif? C'est-à-dire qu'au fond, la technique, effectivement, implique toujours plusieurs usages possibles. Et elle n'est pas... Elle est ni, on va dire, ni uniquement libératrice, ni uniquement aliénante... Au fond, elle a des conséquences... des oui, conséquences diverses. Des conséquences diverses et imprévisibles. Et voilà. Et tu ne peux pas t'en servir, effectivement, comme d'un moyen. Précisément, je vois ça comme le contraire du moyen, de l'idée de moyen. Je poursuis quand même mon raisonnement. En tout cas, pour moi, le fait qu'elle soit comme une espèce de pharmacone n'est pas un problème en soi, parce que on pourrait décider très bien, à chaque fois qu'une nouvelle technique, possibilité technique se présente, de mener ensemble une réflexion sur les avantages et les désavantages, et est-ce qu'on l'adopte ou on ne l'adopte pas. Mais en fait, la situation n'est pas du tout celle-ci, et là, ça, je veux faire un lien avec l'exposé précédent sur l'aliénation de Quentin. Il me semble, enfin moi, c'est ce que je ressens, que l'innovation technique et la dynamique des innovations techniques est le lieu... où l'expérience de la plus grande aliénation, au sens d'hétéronomie, c'est là où on y trouve le degré le plus fort d'aliénation dans notre société. Pourquoi ? Parce que les grands choix techniques, aujourd'hui, échappent au pouvoir démocratique. On voit très bien, on nous informe régulièrement de l'arrivée de nouvelles techniques qui vont bouleverser nos existences, qui vont les révolutionner, mais elles n'arrivent dans nos existences qu'au moment où il ne reste plus qu'à gérer les conséquences. Comment allons-nous faire pour nous y adapter? Comme on dit, on est toujours mis devant le fait accompli. Dernier exemple en date, ce sont les applications de l'intelligence artificielle, maintenant qu'elle rentre dans les affaires, dans nos vies quotidiennes, dans nos vies professionnelles. À ma connaissance, les chercheurs, les ingénieurs, les entreprises, les laboratoires qui travaillent là-dessus depuis plusieurs décennies n'ont pas reçu un mandat politique. Or maintenant, nous devons faire, qu'est-ce que nous devons faire? Tout le monde se mobilise dans les entreprises, dans les administrations pour faire face aux applications récentes. Et il y a toute une question, c'est de comment on va faire pour nous adapter à cette affaire. Puisqu'il y a un nombre d'emplois menacés par les traductions automatiques, tout ce qui est ChatGPT qui va s'utiliser, c'est-à-dire des générateurs automatiques de textes, d'images, de films, de musique. Et on va au-devant de problèmes tout à fait considérables. Là, voilà pour moi le lieu, le grand lieu de l'aliénation dans nos sociétés, c'est celle-ci. Voilà, je m'en tiens là, j'aimerais bien avoir la réaction d'Adrien là-dessus. Merci beaucoup. Une petite précision, je dirais, sur cette question de l'ambivalence et de l'usage et tout ça, non? Je suis d'accord avec toi dans le sens que ce n'est pas possible cet mouvement de dire OK, cette technologie, c'est là, nous va faire une analyse, même si c'est participé, même si c'est populaire, non? Même si c'est dehors de côté de les experts, nous va tout évaluer et nous va dire OK, c'est bien parce que ça c'est positif, ça c'est négatif. Non. Tu ne peux pas faire ça parce que, si tu veux, la technologie, bon, c'est une distinction que j'ai faite dans notre travail, non? Je parle normalement de technologie, de type de technique de la société capitaliste. Non? O sea, comme ça, toutes les techniques, mais spécifiquement les technologies, comme création radicale socio-historique, non? Et ce n'est pas complètement déchiffrable. Ce n'est pas complètement déchiffrable. Oui, une petite objection très rapide. On le fait pour des questions qui sont identifiées comme éthiques directement. On le fait très bien pour la débat sur la fin de vie. On ne dit pas que ça va arriver nécessairement aujourd'hui, on dit que c'est à vous de décider. Il va y avoir une convention citoyenne à l'automne sur la question, on le fait pour la GPA, on a stoppé. Là, c'est devenu ce bonus sur l'espace public parce qu'il est identifié profondément comme éthique. Mais pour tout ce qui est des applications de l'information, de l'intelligence artificielle, ça n'est jamais de, ça n'a jamais été un débat public. Non, je reviens sur ça. Le débat public porte sur comment on va faire pour s'y adapter. Je reviens sur ça. Rapidement. Oui. Non, ça veut dire que quand je dis que c'est impossible, c'est que c'est impossible de les complément de déchiffrer. Non, qu'il y a un côté marmatique, si tu veux, d'obscurité. Non, mais ça me donne raison de que c'est notre responsabilité de faire le meilleur que nous pouvons faire. Non, et c'est vrai, Wiener, il dit que nous sommes tombés dans le somnambulisme technologique et que vraiment, ça arrive que la technologie se présente comme un trait naturel, non, et que nous n'avons pas l'espace même mental, si tu veux, non pas institutionnel et tout, mais mental, de questionner tout ça. Non, mais à la fin, si tu veux, c'est le projet vraiment, et dans l'intelligence artificielle, c'est très clair, il est en continuité avec cette idée de pseudo-matrice et de rationnel, finalement, non, parce que c'est l'idée de couper, de détruire l'opacité du monde, non, de tout taxifier, non, de tout connaître, de tout substituer, le vivant pour les machines. Comme ça, tu veux, quand je parle de faire une action politique autour de la technologie, c'est similaire à ce que tu dis, non? De dire ça, c'est notre construction. Nous va essayer de le déchiffrer de la meilleure manière que nous sommes capables de le faire, en assumant la nécessité d'être précautif, parce que tu veux, il y a des choses qui vont arriver que nous pouvons pas prévoir, non? Un peu d'humilité, je sais pas comment dire ça, non? Mais de poser les limites claires politiques à ça, non? Comme ça, nous sommes d'accord. Une autre question, peut-être, pour finir, Stéphane, et peut-être une dernière, fait courte, si elles sont courtes. Très rapidement, mais c'est certainement le défi le plus radical, comme Arnaud disait, au projet d'autonomie, parce que, évidemment, plus la visée d'autonomie par la technique montre notre hétéronomie complète, puisqu'on ne sait pas s'en servir, on ne sait pas le réparer, on ne comprend pas. Et, je veux dire, Aurélien est parti, mais l'autodétermination, c'est la manière dont les sociétés humaines, pendant des centaines de milliers d'années, savaient construire et utiliser tous leurs objets techniques. Et ça a été. Donc, et là, depuis 5000 ans, pour dire, au moins, disons, depuis l'agriculture, la révolution néolithique, la plupart des humains, et nous encore indéfiniment plus, utilisent des objets dont ils n'ont aucune idée de la manière dont ils fonctionnent. Donc, comment pourrait-on dire, y compris quand la visée est d'autonomie sur son propre corps, pour avoir une procréation assistée, etc., pour la fin de vie, comment pourrait-on dire que ça a un quelconque rapport avec une autonomie? C'est tout. Donc, le problème, une fois posé, c'est pour ça que Castor a dit, c'est extrêmement ambigu, mais il ne peut pas le résoudre, parce que lui, il est admiratif de la science, admiratif de la connaissance, il y a un vrai, là, c'est un homme des Lumières, je veux dire, il est vraiment... Et donc, l'application technique, il se contente de dire, ah bon, on n'a pas voté pour les OGM. C'est, il ne dit pas que les OGM, c'est mal, dans le débat. Il dit, oh, ce qu'il faudrait, c'est qu'on vote dessus. Mais même si nous, 70 millions de Français, ont voté sur les OGM, qui comprendrait vraiment? On peut exposer, comme il dit, 2-3 arguments. Et donc, c'est le rôle des experts, des techniciens, des centrales nucléaires. Et donc, c'est un problème insolu, totalement insolu. Tout presque inconvenu dans le sens que je suis d'accord que c'est un des principaux défis, c'est pour ça que je l'ai choisi, non, pour l'étudier, ouais, pour travailler sur ça, non, mais en même temps, oui, si tu veux, il y a un côté vraiment d'expansion de l'hétéronomie qui est central, non, mais aussi c'est ouvert, tu veux, à faire les choses différentes, parce que c'est pas, comme je dis, c'est pas en marche arrière, il y a un côté, tu veux, d'innovation, de reconstruction, de récupération. Il y a les gens, par exemple, de la télé Python, il y a les gens ici, des ingénieurs qui repensent, qu'est-ce que ça veut dire, non, soutenir la vie d'une manière que c'est pas, tu veux, complètement fixé dans les grosses échelles, non, dans la dépendance, interdépendance, dans les mauvais côtés, non, et tout ça. Après, c'est à faire la transformation de ça, non? Mais c'est pas différent à penser notre transformation psychique, notre transformation institutionnelle, non? Et c'est à nous de vraiment construire les voies. C'est pas une voie sans issue, c'est une voie à construire. Il y a eu des décisions politiques, hein, c'est-à-dire que par exemple quand l'éducation nationale a fait un partenariat avec Microsoft alors qu'il y avait des logiciels libres, bah là c'est... Là, il y a eu un manque de responsabilité politique de la part de l'État. Choix politique. Il y a eu un choix politique, voilà. Ouais, il y a un pensateur décolonial, Gross Fogel, il a dit que la technologie comporte une épistémologie, un Preciado coïncide avec ça, et dans le manifeste contrasexuel, Preciado affirme que l'homme cis, hétéro, c'est un dispositif technologique pour la reproduction nationale, précisément. Après, Luther, la épistémologie de la représentation à l'histoire de l'art de Luther, c'est aussi une argumentation de Preciado dans ce sens. No? Alors, si ce n'est pas possible la souveraineté technologique, peut-être c'est un peu provocateur, no? Mais comme que. Je trouve pas la instrumentalisation de plaisir, non, et non situer, non situer en un continuum historique lesbien, non hétéronormal, la question de la technologie, donc entendre l'androcentrisme de la ciencia et de la medicina et de tout, non, de toute la instrumentalisation du scientifique. Pour moi, ha sido revolucionario. C'est comme acercarme à los féminismos et à los écoféminismes. En ce sens, ha sido mucho más práctico que pensar una central nucléaire gestionada con Ubuntu ou con Linux. Donc, c'est comme les amis de Luz, qui onda, et le boycott, le sabotage à toute cette structure de la guerre, et de los hombres. No? Par rapport au centré, rapidement, sur la question de Preciado, c'est sur la, la transsexualité, etc., mmh. Et la question de la technique, peut-être un mot rapide, du coup, pour répondre. Oui, oui, oui, écoute, non, mais part de ça que j'ai dit, c'est qu'il y a cet lien entre les mots et les technologies, comme ça, les bias, non, que ça a été étudié pour le féminisme, l'écoféminisme, non, les bias patriarcales, mais productivistes, capitalistes de la technologie, c'est part de ça, de les liens qui sont entre les deux, non. C'est pas une chose assez innovative, mais c'est pas nécessaire de devenir excessif à niveau ontologique, je pense, non, parce que de garder la différence entre la nature et la technique, je pense que c'est très important. C'est un des problèmes que tu te trouves vraiment, si tu construis vraiment une ontologie où il n'est pas une différence entre le corps humain, la technologie, la nature et tout ça, tu ne peux pas vraiment après réagir politiquement parce que c'est tout mélangé, non, et tout c'est possible. Il y a un impact éthique. Non? Si c'est tous les mêmes, tu peux faire quelque chose. Non? Il n'y a pas une limite, non? Vraiment. Il n'y a pas une limite d'une manière conservative, mais une limite, tu veux, de manière ontologique. Et après, je dirais ça parce que sinon, je ne peux pas continuer. C'est un peu long.